Toujours en Corée, le monument aux faits révolutionnaires des grands hommes sans égal Paek To-san, que brillent à jamais les exploits de direction, vient d'être érigé au département de la sécurité du peuple de la ville de Lhasa. La ville de Lhasa est empreinte de la direction impérissable du président Kim Il-sung, du général Kim Jong-il et de Madame Kim Jong-soo, héroïne anti-japonaise, qui, lors de leur visite, ont consacré de grands efforts pour le renforcement du travail original pour la sécurité du peuple. La cérémonie de dévoilement a eu lieu le 19 courant en présence des agents de sécurité du peuple, des militaires des forces de l'intérieur de Corée et du personnel.